Parcours gagnant par Claude Fay. Tu ne vas pas me faire le test du miroir tous les matins. Je n'ai pas répondu vivant. Mais si tu me regardais bien, tu verrais que je me suis un peu dégagé du drap. Je ne cause plus, je ne peux plus. C'est le même plaisir que d'être en bateau et de décider de ne plus s'approcher du bord. Ça fait du bien. Mon émotion reste au centre, bien à moi. Mon émotion, c'est ma bouée. M'y accrocher n'a pourtant pas rangé mes affaires. C'est bien en répondant aux questions à ma place, parce que je ne disais rien, que la correspondante de l'organisme m'a changé de catégorie d'autonomie. Nous sommes quatre centenaires dans cette chambre où tout est organisé contre le temps que le personnel pourrait perdre à cause de nous. J'ai vu l'évolution de cette lutte. D'abord, on pouvait se taquiner avec les soignants qui connaissaient nos prénoms. Après, ils ne parlaient que du soin en train de se faire et nous, les vieux, nous étions tous une troisième personne à qui l'on s'adresse indirectement. Ensuite, le personnel a dû apprendre à se répondre à travers la cloison pour surveiller la progression de leur tournée. Ils ont laissé les portes ouvertes et maintenant il n'y en a plus. Je sens que cette porte manque à certains. J'aime cette gêne, ça me rassure. Je bénéficie par accord de ma mutuelle du protocole de soins prévoyants. La toilette aux gants, le nourrissage à la cuillère et une levée au fauteuil midi et soir. Je m'en tire bien. Certains n'ont pas cette chance, mais je ne sais rien de ce qui m'arriverait si j'avais un pépin comme Sacha. Quel secours a-t-il pour qu'on ne le laisse pas tomber? Les infirmières sont à son chevet 10 fois par jour. Sa table de nuit est aux couleurs de la Française des Jeux. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Est-ce le loto qui lui a fait gagner une mutuelle ou bien est-ce que la mutuelle s'est transformée en loto? Ce matin, j'ai rêvé. Les draps étaient en gros plastique sec et je voyais des chariots de soins avancer comme des moissonneuses batteuses. Quelle peur! J'ai peut-être même crié. On savait que les machines ne s'arrêtaient pas quand le soin ganté nous cherchait sous les draps. Horrible! C'est le contact du tissu qui m'a rassuré. Et puis aussi, de penser au regard. J'aime quand il y a un regard dans les yeux ou ailleurs. Dans mes souvenirs, j'en vois partout. Ici, nous sommes privés de contact avec le ciel dès le début de la soirée et nous ne voyons jamais le petit matin. C'est abject. Mais tout à l'heure, au lever des volets roulants, j'ai senti que la lumière à travers mes paupières était filtrée par une présence. Et quelle odeur! Il y a une jacinthe posée sur ma table de nuit. Je n'ouvre plus grand les yeux. J'imagine deux feuilles lisses comme deux épaules qui enserrent la tige et sa promesse de fleurs. Je suis heureux. Qui a bien pu me l'apporter? Françoise, c'est comme si je voyais de très loin la statue d'un homme en pied avec une tête qui promet de s'épanouir. Aujourd'hui, ma statue est devenue un sexe en fleurs. Elle plonge vers la lumière et je me demande quelle force empêche cet amas de petites étoiles blanches de glisser. Un cri. Une infirmière clame de toutes ses forces que des responsables de mutuelles viennent visiter la structure. Je me demande bien quel va être le nouveau schéma intentionnel. Tout le personnel est énervé. J'ai eu droit à une toilette énergique, le genre de moment qui donne envie de pleurer. Peut-être que les gants vont être remplacés par des jets. On leur perdrait moins de temps. Cette agitation me fatigue. J'ai besoin de dormir encore. Allez faire comprendre ça. J'étais fatigué. C'est moi qui me suis retrouvé comme une pauvre tige à plier vers la lumière, bien qu'on m'ait attaché sur mon fauteuil. Toute la journée, j'ai senti mes forces me quitter, comme si les petites étoiles blanches de l'étourdissement glissaient de mes yeux usés. Ah non, pas lui. Il est en train de crier dans le couloir. Je reconnais son phrasé. L'agent du plan canicule est revenu. Quelle abomination. Je n'échapperai à rien. Il va venir au-dessus de moi et annoncer qu'il est très important que les personnes âgées bénéficient d'une hydratation prolongée. Puis, il va me coller sa timbale en plastique avec le bec de canard, sans voir si je me noie sous ses bons soins. Comme j'aimerais me lever, m'habiller avec élégance et partir en terrasse pour siroter une limonade. Je rêve d'une douche debout, d'une bonne pluie tiède qui coulerait sur moi. La dernière fois que j'ai vu mes genoux, j'ai pensé au coup de bourrelet des brindilles et depuis je pense que ça doit être bien. Ça doit être bien d'être arbre aussi. Je ne peux plus me souvenir de mon histoire. Je repasse toujours par les mêmes souvenirs. Cet entêtement me plaît. J'aurais peut-être même dû fonctionner comme ça plus tôt. Françoise, ta bouche, tes rouges à lèvres. Il y a des années, en entrant dans cette unité, je suis revenu dans notre ville natale à tous les deux. Au-delà de cette chambre, je flaire les lundis, jour de marché. La rumeur me rappelle les piaillements des poussins qui se collent les uns aux autres dans les petits angles des grands cartons plats. Les paquets de gens qui s'agglutinent pour parler. C'est sur le marché que j'ai vu souvent les yeux fixes rouges clairs des lapins écorchés, à qui on laissait des chaussettes de fourrure. Il me faut encore beaucoup d'efforts pour ne plus y penser. C'est moi, maintenant, le lapin écorché à qui on a laissé ses chaussettes. La seule différence, c'est que je n'ai pas encore l'œil figé. Aujourd'hui, il y a un bruit irrégulier qui vient, à mon avis, des travaux de voirie. J'ai entendu le personnel parler de la rue de la Galère. L'évocation des rues et des quartiers, ça me plaît. Ça fabrique un moteur qui me secoue. Je pars en balade avec ça. J'aime penser à cette rue pentue. Maintenant, je bouge à la vitesse d'une tortue. Je peux très bien encore ressentir une impression de vélocité. Enfant, je courais et ça me rendait joyeux. Vieux, je suis immobile et le bonheur est intact. Si le corps n'y est pour rien, qui est dans le coup? Il y a une visite près de Joseph, un de mes trois voisins. C'est un jeune type qui pousse d'énormes soupirs. On dirait qu'il n'a jamais vu de vieux, il a l'air d'avoir peur. Il voudrait faire le tour du lit qui est adossé à la cloison, mais évidemment c'est impossible à cause du mur. Ça rend aussi con d'avoir peur des vieux. Je ne me souvenais plus. C'est drôle, mais il est déjà reparti. Il a eu peur qu'on le kidnappe. S'il était resté, il aurait peut-être eu envie de chanter, ou d'écrire à nos mutuelles, ou de gueuler un peu, de mettre France Musique, de nous parler des oiseaux. Il n'a pas tenu le coup longtemps, c'est dommage. Il faut dire que ce sacré Joseph n'a pas fait d'effort pour le retenir. Il n'a pas bougé. Il ne lui a même pas fait son ralenti, ni son gargouillis d'éruptation, ni ses gestes de défense dérisoire de lémurien, d'immense paresseux. Rien. J'ai rêvé. J'avais des os plats à la place des ronds. J'avais l'impression d'avoir découvert le secret du vieillissement parce que je sentais mes bras aplatis. Cet aspect se mesurait et donnait une sorte d'âge. Tout en regardant le coin du mur que le soleil touche, j'ai imaginé que quelqu'un s'asseoirait près de mon lit et me demanderait ce qui m'a le plus étonné dans ma vie. Alors je me mettrais à discuter. Je fermerai doucement les yeux et je dirai, d'un air exagérément inspiré, « Voyez-vous, très cher, c'est la durée. » Je frimerai un peu avec mon âge. Comme ce serait bon de partager cette durée, encore une fois avec ma Françoise, le temps d'un petit déplacement de lumière. J'ai eu froid cette nuit. Je me suis réveillé avec la peur d'être dans un congélateur. Il m'a fallu frotter mon nez sur le drap pour créer un petit événement chaud. Ouf, je vis. Qu'est-ce que j'aurais porté des grandes chaussettes, comme celles que j'achetais pour la montagne, des rouges en laine avec des torsades. J'ai peur de penser aux chaussettes de lapin. C'est le jour de mon anniversaire. Ma mutuelle m'a écrit. Je reconnais le sigle. La lettre est sur la table de nuit. Est-ce que le protocole prévoit que mon ambassadrice me la lise ? La dernière fois, ça s'est passé comme ça. Une employée de mon assurance est venue me dire combien l'organisme de soins était à mes côtés et j'ai changé de service. De quelle assistance va-t-on encore me priver ? J'ai dû dépasser le capital vieillesse-dépendance auquel j'avais droit. La lettre est toujours là. Je suis de plus en plus convaincu qu'elle contient certainement les nouvelles mesures de ma mutuelle privilège. Je vais avoir encore moins de quoi ? Moins de lumière, moins de place, moins d'eau. La lettre a disparu. Personne n'est venu me la lire. Il y a maintenant affiché sur ma table de nuit une boîte en métal gris. En pleine sieste, j'ai découvert que mon lit avait des roulettes. C'est étrange de voir le plafond défiler. Personne ne me dit mot de quoi que ce soit. Je suis maintenant rangé. Je crois que c'est de la fenêtre, dans une grande pièce. Nous sommes une bonne dizaine. J'aimerais crier « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Mais je sens déjà que je vais dormir. Les draps m'arrivent au cou et mes mains sont au-dessus. Quel boulot pour faire mon lit. On est toujours là et personne ne crie. Chacun de nos lits est parfaitement plat. Des types sont venus. Ils étaient plusieurs et parlaient entre eux. Ça sentait l'expert. Quelque chose comme un désintérêt poli. Au vol, j'ai retenu une phrase. Laissons la recontextualisation de ces personnes. À vrai dire, je ne sais pas si c'est recontextualisation ou décontextualisation dont il était question. À bien y réfléchir encore, je ne sais pas non plus si c'est laissons ou lançons. Qu'est-ce qu'on va nous faire ? À force de mouvements minuscules que mon dos a essayé d'étendre, j'ai dérangé un peu les draps. Je dors vraiment mieux comme ça. Ça chauffe. Je suis dans un sac au-dessus d'une piscine. Je suis plongé dans un bain puis séché. Est-ce la nouvelle hydratation prolongée du plan canicule ? C'est trop flou dans ma tête. Je ne vois pas bien où je suis. Le sac est confortable, ça ressemble à un filet avec des grosses mailles. Les mailles bougent, mais je ne sens pas de frottement. J'ai l'impression que je n'ai ni faim ni soif. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis comme ça. Mon corps, je ne sais pas comment il est habillé. J'ai l'impression d'être au contact de plumes, mais mes mains ne peuvent rien saisir. Plus de force. Ça chauffe encore. J'entends du bruit. Est-ce qu'en se déplaçant, une machine soulève des masses d'air qui entraînent un balancement de mon sac ? En fait, je pense que chaque sac se déplace, s'immobilise et repart. C'est très lent. Je n'ai pas l'impression d'être toujours à la même distance du mur. Je me souviens des télésièges de montagne. Il y a autant de vent. J'ai l'impression d'être redescendu. Je sens le frais du sol et les mailles du filet me paraissent moins grandes. Quel voyage suis-je en train de faire ? J'ai peur. Un corps, ça ne se quitte qu'une fois. Je me demande si je n'ai pas déjà l'impression d'être parti. Il y a une corde blanche qui me suspend maintenant et je me sens rassemblé dans un tissu de tulle léger. Je crois percevoir une boîte là, un peu plus bas, sur le sol. J'ai l'impression d'une brise légère qui est dirigée vers moi et je trouve que ça balance légèrement le petit sachet plat que je deviens. J'ai l'impression Mes yeux ne marchent plus. Difficile aussi de comprendre ce que j'entends. Le sachet a dû se détacher car j'ai ressenti un petit à-coups. Ah mais non, c'est peut-être autre chose. Je distingue des voix, je crois avoir entendu mon nom et puis après j'ai mal discerné mais je me demande s'il n'y a pas un lien entre ces conditions de séchage et ce que ma mutuelle appelait l'aide au processus de mise en souvenir. Jacques, né le 15 octobre 1949, lyophilisé le 25 novembre 2054.